Est-il besoin de vous dire qu'après ces deux dernières semaines d'édition du Undead Incorporated Show Réanimation, qui ont été perturbées par la présence du pestilentiel gobelin Sinistrose, que je suis au bord du gouffre? Oui, le gouffre du désespoir, de la dépression sombre et intense que provoque ce vampire de l'esprit, et je dois encore remettre ça ce soir, et semble-t-il, encore plus longtemps. Et encore, si ce n'est pas de sa présence, de ses propos incohérents, ça passerait toujours plus facilement. Mais en plus, il s'efforce de choisir des pièces qui sont horriblement de bon goût et qui font passer ma programmation pour celle d'un fou furieux. Eh bien, au final, grâce à cette bizarroïde créature puante, j'ai maintenant un abonnement sans frais à tout établissement de santé mentale et j'ai droit au meilleur traitement complet, The Fall Treatment. 220 volts sur les tempes à tous les jours. Ça vous fait oublier bien des soucis et aussi le reste. Et surtout toi, Sinistrose. Voici réanimation. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui! Priez pour ne pas y survivre, parce que nous sommes des enfoirés, et je devrais avoir peur. Cosphere is Sinistro's business, et je ne peux bien aller me faire foutre ou quelque chose du genre, bref, je ne m'en rappelle plus. Go! You know. fou de musique. C'est fou, 89.1. Vendredi le 5 avril prochain, 20h, votre café-bar Le Zénob vous présente une autre édition du Théâtre Domino. Le Théâtre Domino est un défi théâtral réunissant comédiens, comédiennes, metteurs en scène et auteurs qui vont créer en un week-end trois courtes pièces. Le 5 avril prochain, venez découvrir ou redécouvrir le Théâtre Domino. Au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 31 mars de l'an de disgrâce 2015, c'est la dernière édition de mars. C'est aussi possiblement une qui peut ressembler le plus à la première du printemps. Vous l'avez deviné, vous l'avez peut-être même redouté, vous allez peut-être même être estomaqué, peut-être même en avoir des brûlements d'estomac, comme j'en ai présentement, qui sont vraiment, vraiment virulents, mais c'est sinistrose. Hey, je ne me souhaite pas la bienvenue en cette... En sept ans de grâce, de disgrâce. De comme tu l'as dit. Oui, c'est pas la grâce, c'est la disgrâce ce soir. Sinistrose, comment vas-tu? Ben, c'est pas pire, le printemps s'en vient. Ben, disons que c'est un petit peu mieux que ce qu'on a connu au courant du mois de février et janvier, hein? Disons. Oui. Je commence à avoir mon putain de camion, comme on dit. Oui, voilà. Et ainsi de suite. Tu pourrais écrire un roman comme ça. Ouf, oui, ben, je pourrais le rire aussi. Hein? Oui, c'est ça. Hey, Sinistros, t'as une bonne nouvelle pour... c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est peut-être moins bon pour les auditeurs. Non, je pense que ça le serait plus pour les auditeurs que pour moi. C'est que tu es avec nous pour encore une période de temps. Et si tout va bien, si tout va bien. Oui, comme tu dis exactement. Si tout va bien, ça risque d'aller jusqu'au 27 avril. Alors, ben, c'est quand même encore un mois complet. Ben, on a encore 3-4 émissions faciles. Ben, je dirais de 4 à... Peut-être même 5. Peut-être même 4 à 5, là. Peut-être. Oui. Faut que je me trouve de quoi faire. Ah non! Ça va être long. Excuse-moi, le micro t'es ouvert. Ben oui, mes oreilles aussi, remarque. Et oui, oui. Ça, je m'en avais pas... Je m'en étais pas douté. On vient d'entendre la formation Toxic Holocaust et la pièce Rat Eater. C'est tiré de Chemistry of Consciousness. Non, c'est une grossière erreur. C'est une grossière erreur. Un instant. J'avais remplacé cette pièce, je vais dire à point levé, mais c'est plutôt à pied levé, par... Love Me Do. Salvation is Waiting, voilà. C'était tiré de leur plus récente parution, Chemistry of Consciousness, qui est paru en 2013 sur Relapse. Nous avions juste auparavant une formation qui date d'il y a 20 ans. En fait, le premier album date d'il y a 20 ans. Il s'agit de Grip Inc. et la pièce On Stage to Heaven. C'est tiré de Power of Inner Strength. C'était sur SPV. Et c'était qui, ça, Grip Inc.? Ah ben, c'était Yves Lombardo. Voilà! Ex-batteur émérite de la formation Slayer, qui jouait... En fait, je peux même pas dire si Grip Inc. existe toujours. Je ne pourrais pas dire non plus. Mais là, il joue avec Film. Film? Film. Tu dis qu'il joue dans un film? Non, il joue dans un film. OK, dans un film. Non, il y a un band qui s'appelle Film. Okay. P-H-I-L-M. c'est moins métal, là. Okay. C'est un peu plus expérimental. Ben, je pense qu'il joue aussi d'ailleurs avec Fantomas encore. Je sais pas s'il joue ça encore. Ben oui, c'est encore actif et son nom apparaît toujours dans l'alignement du band. C'est sûr, il y a juste son nom qui apparaît. Oui, mais lui, il est pas là. Il est pas là, c'est ça, oui. C'est vrai que ça va être long encore un mois. Juste auparavant, nous avions Suicidal Tendencies et la pièce de Trip at the Brain. C'est tiré de How Will I Laugh Tomorrow When I Can't Even Smile Today. C'est paru en 1988 sur Epic. C'était le troisième album studio complet de cette formation qui donnait à cette époque-là dans une tendance beaucoup plus métal que hardcore. Moi, c'est une bonne époque pour moi, Suicidal. Ça. La meilleure époque. Ben, je te dirais que probablement. J'aimais beaucoup le deuxième album qui était Join the Army, qui était... Ben, le premier aussi, il était bon. Ouais, il était un peu plus hardcore. C'était un petit peu fucked up, le premier bout, là. Bon. Mais c'est une pièce, je dirais, pour les amateurs du genre à l'époque à posséder, là. Ouais. Parce que c'était quand même... c'était assez innovateur, là. C'était un peu tout crash, mais c'était assez innovateur. Mais la période des années, je dirais, mi-80, début 90, c'est une période que je trouvais quand même fort intéressante pour Suicidal. C'était sous étiquette Epic que nous avons ouvert avec Crumb Suckers et la pièce Interlude, qu'on retrouve sur le premier album complet studio Life of Dreams, qui est paru en 1986 sur Combat. Et selon les informations indiquées sur Metal Archives, Crumbsucker, que l'on croyait défunt depuis, ma foi, bien des années, eh bien, ils auraient repris du service en 2014. En fait, la séquence d'activité de 82-91, bon, on s'entend que là-dessus, il y a deux albums, dont un qui est pas très bon. Un qui est vraiment pas bon. Ouais, Beast on My Back, là, c'était assez ordinaire. Ils sont revenus en 91 comme étant Heavy Rain, que je n'ai jamais connu, ni jamais entendu. Pour faire un court retour en 2006, mais simplement pour un spectacle à New York. Et depuis 2014, il serait reformé de façon à 95% le line-up original, à part un guitariste qui était un dénommé Wynn, dont j'oublie le prénom, qui était remplacé par Adams Phillips, je crois, Philip Adams, quelque chose comme ça. Et ce serait peut-être tout simplement aussi pour des apparitions sur scène, mais bon. Mais cette période-là de Life of Dreams, qui est paru en 86, c'était excellent. Oh, ça, c'était tout un classique. Et j'aime encore ça aujourd'hui. Oui, ça a très bien vieilli. Oui, je pense que ça a passé le cap de l'âge. D'ailleurs, je devrais faire une... Tu sais qu'à Rock Classic, on a une capsule qui s'appelle « Ça passe ou ça casse ». C'est une capsule d'une pièce à tous les semaines où on présente une pièce qui a eu un certain succès il y a X années. Et on analyse si elle a passé le cap du temps. Mais j'ai doute fort que je puisse faire ça avec classique, par exemple, avec Crumbsuckers. Pourquoi pas? Ouais, il va falloir que je négocie serré pour que ça passe. OK. Le cap du temps, quel jeu de mots. Ce soir, Sinistros et moi, nous avons la présentation qui est dernière émission du mois qui est s'adresse à l'album marquant. Eh bien là, nous en aurons deux, puisque nous en avons chacun un. Bien sûr, oui. Comme on refait ce qui était la traditionnelle, séquence mensuelle d'il y a un an passé. Ben oui. Ce mois-ci, Sinistros a opté pour vous présenter un album que je qualifierais de très discutable. C'est Iron Maiden et Power Slave. Bon, moi, ça se pourrait que je ferme le son pendant ce temps-là. Il y a quand même un bon 23 minutes consacré à ça et ça va être longtemps, ça. Et moi, ben bien sûr, étant donné que c'est toujours moi qui ai beaucoup de goût. Oui, que j'ai beaucoup de goût et puis que j'essaie de rehausser la qualité de cette piètre émission. Mais c'est pas ce qu'il dit, parce que la semaine passée, il voulait que je baisse la qualité de l'émission. Là, lui, il s'arrête de la rehausser. Ben, c'est pas ce que tu fais. Non, c'est parce que moi, je pensais pas que tu me prendrais au mot de le faire aussi drastiquement que ça avec Iron Maiden. Donc, quand j'ai vu tes choix arriver, je me suis dit, oh là, faut que je ramène, je rééquilibre quelque peu. Moi, ça va être Creator Pleasure to Kill. Bon, OK, c'est correct. Hein? J'en parlerai pas plus. Là, pour tout de suite, j'aurai une petite... Ben, je dis petite, oui, pas très grande chronique cinéma parce que j'ai pas écouté grand-chose au cours de la dernière semaine. Une petite chronique musicale aussi qui porte sur un album et quart ou à peu près. pas grand-chose qui sort de nouveau très, très flamboyant. C'est ordinaire. C'est tranquille. Mais toi, pour tout de suite, ton premier bloc de la soirée qui est déconstitué de quoi? Déconstitué, oui. Bon, écoute, je pensais pas que tu étais pour venir ici dans un état second, là, mais... Je mime et je vais traduire. J'ai rien compris. OK. Behemoth, avec un nouvel album qui s'appelle The Satanist, c'est paru en 2014, qui est, ma foi, un excellent album de A à Z. Oui, c'est un bon album. effectivement. Avec la pièce « Oh Father, Oh Satan, Oh Son », ça sera suivi de « Cold Worker »,« Aeon »,« Aid » et « Seer Bliss ». C'est excellent, donc allons-y avec « Behemoth ». Cool. Thank you. Where is sanity begin? de choses geek. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 99. Vous êtes geek et vous vous assumez. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante aussi. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, en plus de la chronique sur les jeux rétro de Samuel Girard et d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis à 17h. Monsieur Tremblay, Madame Dubreuil, si je vous ai convoqué à mon bureau aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, Mathis, cette semaine, s'est amusé, a pris plaisir à faire des blagues sur la surcharge pondérale de sa camarade de classe, la petite Julie. La petite toutoune, là! Ben oui, la petite toutoune, c'est notre voisine! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro, tous les lundis, à la Chasse-Galerie. Lundi, le 6 avril, les séries continuent. Venez voir la deuxième demi-finale de La Luître. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Fou de fraîcheur. C'est fou, 89.1. h 58 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Haunted Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et vous êtes aussi en compagnie de moi-même, hein, évidemment, ça se ressent et de celui que ça se sent, ben c'est Sinistros. C'est ça, je sens que tu as quelque chose. Je sens que je ressens. C'est ça, je ressens quelque chose à ma senteur. Oui. C'est quoi? Voulais-tu qu'on en débatte un petit peu plus? Non, ça va être correct. Ok, c'est correct. Ben, il faut dire que Sinistros, maintenant, utilise un nouveau savon qui, ma foi, élimine au moins à 30% ce qui était... ben, en fait, il faut savoir qu'il est pestilentiel, donc ça suppule un peu partout. Ce savon s'appelle SOS. Oui, mais j'avais aussi le savon noir, mais c'est trop efficace. Qu'est-ce qu'on a entendu? Sear Bliss avec la pièce A Lost Cause. C'est sorti sur l'album Eternal Recurrence. Il est paru en 2012 sur Kindle Light Records. Ouais, c'est pas mauvais ça. C'est un excellent album. Moi, j'aime bien le côté Death Black, mais avec les brass qui arrivent par en arrière. Ouais, ça t'es... donne comme un effet. Oumf. Oumf. Oumf. Oumf. Ben oui. Tout de suite avant, nous avons eu les Italiens de Aid. Ah, ça, j'adore ça. Avec Dueling the Shadow of Spartacus. Et c'était pas avec des sabres laser, je vous le jure. Non, non, non, non, non, non. Ça cautérisait un petit peu moins sur le moment. Oui, c'était un petit peu plus difficile. Oui, c'était comme tranchant légèrement. Oui. Un peu plus barbare peut-être aussi. Non, un peu plus radical pour le moins. C'est sorti sur l'excellent album Spartacus, qui est paru en 2013 sur Blast Head Records. Un album conceptuel qui, ma foi, est bon de A à Z. Pour les amateurs du genre de death extrême, là, c'est... Et c'est Josh Collias de Nile qui fait la batterie, ouais, sur cet album. Effectivement. Parlant de Josh Collias, il a sorti son album solo. OK. Et c'est la pièce que j'ai entendue, ça... Ça promet. Oui. Ça va être quelque chose. Il joue tous les instruments. À la fois, en même temps? Oui, en même temps. OK. Oui. C'est un homme orchestre. Oui, mais c'est ça. T'sais. Il s'est mis un double bass dans le dos là, puis un petit coup de trompette de temps en temps. Et pouet. Non, mais est-ce que c'est d'inspiration Nile, justement? Ou... C'est différent. C'est très, très death. C'est très technique. Il y a des invités au vocal de temps à autre. Ben ça a l'air à ramasser. Là. Okay. Ça a l'air cool. Ah, ben je vais, L'album devrait sortir incessamment. Je vais regarder pour ça. Puis c'est sous le nom de Josh Collias. OK, ou ouais. Simplement que ça. Oui. D'accord. Aeon avec The Glowing Eight qui est apparu sur l'excellent Aeon's Black qui est paru en 2012 sur Metal Blade. Tu sais que cet album-là, quand on avait pas mal découvert ça en même temps, ou en fait c'est toi qui m'en avais parlé, je sais plus trop, justement en 2012, j'ai creusé justement, puis ce qu'ils ont fait auparavant, c'est tout aussi intéressant. Hein? Ça se pourrait. Oui, oui, certainement. Cold Worker, Citizen of the Cyclopean Maze, c'est sorti sur le deuxième album Rotting Paradise, qui est paru en 2008 sur Relapse. Et malheureusement, formation défunte. Oui, hein. Ils ont décidé de se séparer après quelques mois de la sortie de Doomsayer's Call. Bah, des fois, c'est peut-être mieux de mettre fin quand tu fais quelque chose de très bon avant de sortir quelque chose de très, très pas bon. Ouais, puis il y a peut-être des fois qu'à l'intérieur du groupe, c'était plus la aussi bonne entente. Ben, c'est assez difficile, là. Tu sais, t'es 3, 4, 5, des fois 6 individus. Et des fois en même temps. C'est en même temps, c'est cela. Tu sais, t'as des divisus aussi. Oui. Ça peut être assez difficile là, ben, ça prend une bonne chimie, ça prend une bonne entente. Ça prend une très bonne chimie, puis il faut que les égos soient mis souvent de côté. Surtout si tu pars en tournée, des fois ça peut être très difficile. Ouais, là. Effectivement. Behemoth avec O Father, O Satan, O Son, qui est paru sur The Satanist. C'est paru en 2014 sur Nuclear Blast. C'était excellent, quel bon choix. Je dois dire que je suis pratiquement gêné de présenter ce que je vais avoir à présenter par la suite. Mais non, c'est une blague. Je suis pas gêné, j'en ai honte. Écoute, mon petit Sinistros, vite de même, je sais pas si tu es un amateur de la formation Shape of Despair. Ça dépend des pièces, je connais pas tant okay. Ça, là. J'ai entendu quelques pièces ici que tu faisais jouer, que j'ai bien apprécié, côté Doom. Ouais, c'est Death Doom, là, très, très caverneux, très, je dirais, ben, sombre. Oui, des fois. Bien, pratiquement après 10 ans, ben en fait, ça fait 10 ans, ils ont décidé de récidiver pour, je crois, c'est un quatrième ou un cinquième album, mais c'est une formation qui existe depuis bien longtemps. Hein. Depuis 1942 ou 43. Je crois que oui, probablement que la Deuxième Grande Guerre tirait à sa fin, oui. Shape of Despair sortiront le 16 juin prochain, Monetary Fields, qui est, comme je le dis, je pense que c'est le cinquième album complet studio. Je suis très curieux d'entendre ce que ça va avoir l'air, parce que le dernier album qu'ils ont fait paraître sous le, en fait, homonyme, Shape of Despair était assez intéressant, mais il faut aimer le genre, par exemple. Moi, ce que j'ai. Je ne le présente pas cette semaine. Ni l'un ni l'autre des deux albums dont je vais vous brièvement vous parler cette semaine. Je les présente la semaine prochaine. Vous comprendrez que cette semaine, c'était les albums marquants, donc on a quand même. On n'a pas 6 jours d'émission, là. Hein? Et non! Mais je vais vous en parler brièvement. Album que j'attendais depuis un certain temps. En fait, quand j'ai su l'annonce de en fait la reformation, si on veut, de cette formation de ce band allemand qui donne dans un death dark metal, il s'agit de Morgoth. J'étais très très en fait enthousiaste d'entendre la nouvelle parution On God qui vient tout juste de paraître. Puis je suis resté un petit peu sur ma faim. Un petit peu parce sur ma faim. Parce que ça se mange pas. Là. Ah, bon, ben, ça explique bien des choses. C'est peut-être pour ça. Là. Oui, ça explique beaucoup de choses. Ça mange avec les oreilles. Ah, ça, par contre, c'est très nébuleux pour moi. Non, en fait, arrête donc des enneries, toi, là. Hein? Tiens, on va fermer ça. Fini. Bon. Non, ben non, je te couperai pas la parole. Pas à ce point-là, du moins. Je te couperai autre chose. OK. Tendez. On Guard, c'est un album qui, même côté production, je me serais attendu à mieux que ça. C'est pas mauvais, là, mais je me serais attendu à mieux que ça. Les pièces, c'est un album qui, je dirais, grosso modo, légèrement vide. OK. Un petit peu décousu. Ça manque de lien. Il n'y a pas de pièces qui en rejettent vraiment. C'est pas mal tout flatliner. Jusqu'à présent, je lui ai accordé un 6 sur 10. Est-ce que ça va changer en négatif ou en positif d'ici la semaine prochaine? Ben, c'est à suivre. Autre truc que je me propose de découvrir, et toi, tu l'as déjà fait, il s'agit du dernier album de la formation des Pays-Bas, Monolith That Called, qui donne dans un brutal death électro-métal. Mais sur cet album-là, électro, il n'est plus là. Donc, il n'y a plus de sampling, il n'y a plus, non. Okay. C'est carrément death. C'est pas très bien enregistré. C'est tout le temps dans le fond. C'est vraiment bizarre, là. Ouais. C'est vraiment pas comme Tetragrammaton. Parce que moi, j'ai bien aimé. Tu m'as fait découvrir le groupe avec cet album-là. J'ai bien aimé. Justement, je suis allé rechercher en arrière ce qu'ils avaient fait, comme Triumvirat et ainsi de suite. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Ben, ça, c'est un mini-album qui est beaucoup plus cru. OK. C'est à la limite du inaudible, là. Ah oui, à ce point-là. Ben, c'est ordinaire. Mais je pense que tu me disais que dans la formation, il ne reste plus beaucoup de membres originaux. Ben, il en reste trois. Il y en a deux qui sont partis. Il y en a deux qui sont partis? Ouais. OK. Bon. En fait, je me propose de le découvrir au courant de la semaine, du restant de la semaine, du week-end prochain. C'est apparu sur Season of Mist. Un autre album que je me proposais de vous présenter, peut-être, en fait, de l'effleurer cette semaine, mais c'est remis aussi la semaine prochaine. La formation qui vient de Grèce, Sickening Horror, qui donne dans un technical death metal. Je dirais technique, là, le terme est peut-être fort, là. Je dirais même plus à rigueur, death metal tout court. J'ai trouvé ça quand même correct. Et je dois dire que, malgré le fait que je lui ai accordé seulement un 6,5 sur 10, honnêtement, il y a de l'originalité là-dedans. Okay. Puis il y a un côté mélodique auquel je ne me serais pas attendu. Et encore moins, de ma part, m'attendre à dire que j'aurais trouvé ça correct. Mélodique, dans le death metal, je trouve ça intéressant. Bref, on s'en reparle la semaine prochaine. L'album s'appelle Overflow. C'est disponible sur Deep Sand Records, que c'est une étiquette que je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Non, moi non plus. Côté cinéma, j'ai pas écouté énormément de choses. En fait, j'ai écouté très peu de choses en ce qui a trait à la nouveauté durant la dernière semaine. Je me suis retapé plusieurs vieux trucs, là, des années 40 et 50. Aussi, dans des vieux trucs. Ouais, mais les nouveautés, ben, en fait, il y avait pas grand-chose qui me stimulait, là, si on veut, qui m'intéressait. Mais j'ai écouté... Et tout s'en vient, c'est ça le problème. Ben, c'est ça. Là, on s'entend là, que la période hivernale, souvent, c'est la période un peu plus tranquille, les grosses sorties au niveau cinéma, principalement. Mais là, à partir du mois de mai, il va commencer à avoir des choses intéressantes. J'ai écouté un film qui est un film à caractère d'aventure fantasy qui met en vedette Ben Barr, Julianne Moore et Jeff Bridges. Jeff Bridges, là, moi, c'est un acteur que j'ai tout le temps considéré comme un petit peu moyen. Mais je pense. Ben, il fait quand même la job, tu sais. Ben, plus ça va, je trouve qu'il est comme le bon vin, il s'améliore en vieillissant. Ah, ben, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Probablement, il y en a que c'est le contraire, là, qui goûtent le vinaigre à la longue, mais bon. Prends un gars comme Tom Hanks, c'est ça qu'il a fait, là. Oui, Tom Hanks a fait ça, mais si tu prends un gars comme Robert De Niro maintenant, je trouve qu'il s'améliore ses affaires. Ça diminue, c'est très dilué. Le film porte le nom de Seventh Son. C'est un film qui est de Sergei Bodrov, que je ne connais pas du tout. Ben, évidemment, quand on dit fantasy, quand on dit aventure, ben, on s'entend que l'histoire de dragons et compagnie, ça peut faire partie de ça. C'est un film qui, bien sûr, qui ne réinvente pas cette roue-là parce qu'il y a bien longtemps qu'elle roule. Il n'y a pas grand-chose à y greffer. Je le comparerais peut-être à un film qu'on avait aimé tous les deux qui portait le nom de Season of the Witch, qui mettait en vedette Ron Perlman puis Nicolas Cage, qui avait été quand même assez intéressant, puis un peu, je dirais, sorti des sentiers battus dans le genre. Bon, ça, c'est un petit peu moins fort que ça, mais c'est quand même divertissant. Puis, je dirais que le film... prend de la qualité au fur et à mesure qu'il évolue. J'ai donné un 7 sur 10, puis ça raconte tout bonnement l'histoire. En fait, Jeff Bridges est principalement en vedette là-dedans, d'un chasseur de sorcières. Et puis, ils les appellent les épouvanteurs, je crois. Des épouvanteurs. Ouais, ça me faisait penser un peu à Harry Potter, les épouvanteurs. Oh, les épouvanteurs. Hein. Ouais, c'est ça. Et Julianne Moore fait la reine des sorcières là-dedans. Elle est très bonne dans son rôle, d'ailleurs. Elle fait très, très crédible comme méchante madame, là. C'est bien. C'est intéressant comme film. 7 sur 10. Moi, je pense que tu pourrais passer. C'est divertissant. OK. C'est divertissant. C'est 1h40, je crois, ou 1h45, là, de bon temps de cinéma. Je n'ai pas écouté autre chose. Je vais tout simplement sauter directement au film que je vous recommande de voir ou à découvrir, ou à revoir, voilà. Mille pardons. C'est un remake de 2008 qui est un film de Scott Derrickson qui met en vedette Keanu Reeves, Jennifer Connelly et Katie Bates. C'est The Day the Hurt Stood Still. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. C'est un remake d'un film des années 50 qui raconte. En fait, c'est l'avènement d'un extraterrestre sur Terre pour venir prévenir les humains, l'humanité au complet, que il devrait dès maintenant changer leur façon de vivre et ils devraient être beaucoup plus attentifs à ce qui les entoure parce qu'ils sont en train de s'auto-détruire et que tout ce qu'ils font au niveau industrialisation, à l'époque on parlait de la conquête de l'espace et ainsi de suite, mais dans le film c'était déjà fait, que ça a des répercussions sur les autres peuplades qui ne sont pas en accord avec ça et qui ont décidé, regardez, là, on va simplement les avertir d'arrêter immédiatement, sinon on va prendre des moyens drastiques. Il se présente seul, il s'appelle Klaatu, voilà. Il est accompagné de Gort, qui est un robot gigantesque, mais c'est vraiment hallucinant, ce robot-là. Moi aussi, m'a procuré ça. Ça a l'air intéressant. C'est excellent, c'est très très bon. Le remake est très bon, l'original, le noir et blanc, est excellent aussi, mais le remake a été bien fait. Et évidemment, ben tu sais ce que c'est que l'homme, on a peur et bien on détruit. Donc c'est la première réaction lorsqu'il voit ce vaisseau arriver sur Terre. Donc ça a évidemment pas mis la table pour de bonnes négociations. C'est un très bon remake d'un film, d'un classique des années 50 de la science-fiction. Et Keanu Reeves, je dois dire que c'est pas nécessairement mon acteur préféré, mais lui aussi en vieillissant, il s'améliore grandement. Il a toujours fait une assez bonne job. Là. Et principalement, je l'ai beaucoup aimé dans The Day the Earth Stood Still. Je l'ai apprécié énormément dans un des derniers films qu'il a fait qui s'appelle John Wick. C'est vraiment excellent. Je lui donne un 8 sur 10. C'est disponible en DVD en Blu-ray, bien entendu. The Day the Earth Stood Still. C'est paru en 2008. Voilà. Sinistros, tu as à nous présenter un album qui a été marquant pour toi. Oui, ça a été marquant parce qu'à cette époque-là, j'étais en plein trip de l'Égypte et je m'intéressais à tout ce qui se passait là-bas, les pharaons. Et puis quand cet album-là est sorti, celui que je connaissais, Iron Maiden déjà, ça m'a fasciné encore plus de voir cette grande pochette-là avec... tous les petits hiéroglyphes, tout. Oui, ben qu'on voyait mieux sur le vinyle à l'époque. Sur le CD, oublie ça, là, c'est une perte de temps. Là, tu vois. Même avec une loupe, ça fonctionne pas. Non, c'est sérieux. Ils ont carrément shrinké l'image. Pas tous les détails. Ouais. Tu perds tout. Puis selon moi, c'est le meilleur album d'Iron Maiden d'à peu près toute leur discographie. Là. Ben, du moins de la partie de Bruce Dickinson. OK. On retrouve quand même, bon, on retrouve des pièces qui sont connues là-dessus, là, on s'entend. Là, oui, cet album-là, t'as Ace's Eye, Two Minutes to Midnight, la pièce Power Slave, Rhyme of the Ancient Mariner, qui sont des grands classiques. Oui, tout à fait. Alors, je vois. C'est le cinquième album. Ça, c'est le cinquième, effectivement. Ouais. T'as une minute. Oui, c'est le cinquième, effectivement. Iron Maiden, Killers, Number of the Beast. Oui, c'est le cinquième, c'est ça. Ouais, effectivement, on y va chronologiquement avec Iron Maiden, comme tu l'as dit, Killers, comme tu l'as dit, Number of the Beast, Peace of Mind, et puis Power Slave, qui est paru en 84. C'est cela. Ouais, effectivement. Alors, j'ai choisi de passer la face A. D'accord. Parce que c'est sûr que c'est un CD, une face A, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Sur le vinyle original, ben il y avait 5 pièces sur le côté A et... Mm-hmm. 3 pièces sur le côté B. Oui. Parce qu'il y avait la pièce Power Slave qui était relativement assez longue. Puis une pièce de 13 minutes. Une pièce de 13 minutes qui est un des classiques d'Iron Maiden. Je dois te dire que moi, je suis vraiment pas un fanatique d'Iron Maiden. Surtout, je suis pas un fanatique d'Iron Maiden, comme je l'ai dit souvent avec Bruce Dickinson. Mais je dois dire que la pièce Rime of the Ancient Mariner, c'est une pièce qui m'a marqué. Aussi. C'est une pièce à développement qui est excellente. Et j'ai toujours aussi un petit penchant pour Ace's Eyes et Two Minutes to Midnight. Bien sûr. Alors, allons-y. Certainement. Alors, dans l'ordre, la face A de Power Slave d'Iron Maiden, qui est paru en 1984 sur EMI. Alors, on aura Ace's Eye, Two Minutes to Midnight, Lost for Words, Big Aura, qui est une instrumentale, Flash of the Blade et The Duelist. Alors, go! C'est parti! We'll be right back.

Ben, il était pas mal le temps que ça finisse, hein? Bon. Fiole. Ben, quoi? On a tous le droit à nos goûts. Ben, c'est sûr. Mais toi, t'as pas le droit aussi. toi, t'en as pas. Que t'es-ce? C'était Iron Maiden. J'avais cru remarquer. Ah oui? Ouais. Ok. Il me reste encore assez de perspicacité pour pouvoir retrouver. Tout le... ça, toi? Ben, je l'ai acheté. C'était okay. Pas une option. Non, mais je te dis, c'était pas custom, c'était en option. Ok. C'était en option. Vas-tu l'acheter en spécial? Ben oui. Okay. J'ai une version un peu défaillante. J'espère qu'elle n'est pas Made in China, la tienne. Hein? Elle n'est pas Iron Maiden, certain. Ok. C'était la pièce de Duelist qui clôturait la face A de l'album Power Slave. Et non, tout juste avant de Duelist, c'était pas une pièce d'Iron Maiden, mais c'était bien la pub. Oui. Fait que c'était pas inclus sur l'album. Là. Non? Dans ce cas, du moins j'espère. D'accord. Tout juste avant la pub, nous avons eu Flash of the Blade, Lost for Words, Big Aura, 2 Minutes to Midnight et Ace's Eye. C'est un album à laquelle tu attribues aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pas spécialement le 31, là, mais maintenant, une cote de combien sur 10? Oh, 9. Oui? Oh, oui. Ah oui? Oh, oui. Bon, ben ça explique bien les choses. Ah oui. OK, merci. Bon, je vous rappelle que la semaine prochaine, Sinistros sera là, bien sûr, en ma compagnie pour une autre édition de réanimation. Et la semaine prochaine, je vous proposerai quelques nouveautés, soit les extraits du nouvel album de Morgoth and God et de la formation grecque Sickening Hour, pièce tirée de l'album Overflow. Donc, et Sinistros, pour sa part, prépare probablement un petit bloc un peu plus evil. Un peu plus occulte, ouais. Au féminin même. Oh, d'accord. Ne manquez pas ce vendredi dès 11h, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Je serai là, bien entendu, aux côtés du Rockmaster. Nous avons un spécial cette semaine, Vendredi Singe. Vendredi Singe, c'est le fun. Oui. En fait, des pièces qui, je vais dire comme Alain disait la semaine passée, en clôture d'émission, que j'étais pour proposer un spécial John Littleton. Bon, on n'en saura pas jusque-là, mais on a un spécial pour Vendredi Singe. On sait jamais. Oui. Ben non, moi je le sais. Oh, je le sais, tu le sais. Voilà. Tu le savais-tu? Oui. Ben moi aussi. OK, maintenant c'est mon tour. On va clôturer l'émission avec cette présentation qui est mon album marquant pour ce mois-ci, qui est un album qui est une formation suisse-allemande, je m'abuse. Hein? Allemande, voilà. Et il s'agit de Creator, c'est leur deuxième parution. Hey, c'est donc bien fort cette affaire-là. Leur deuxième parution, complète studio, il s'agit de Pleasure to Kill. C'est paru en 1986 sur une étiquette qui était très prolifique à l'époque, soit Noise Records. Je vous propose la face A, moi aussi. Ah non, t'as pas fait ça. Ben, c'est vrai, c'est existant à venir, ça aussi. Hein? Oui! Et je dois vous dire que quand j'ai découvert cet album-là, cette année-là, en fait, il était sorti en novembre 86, j'avais eu immédiatement un grand coup de cœur pour cet album. J'avais trouvé ça très... c'était comme assez puissant. Moi, j'avais découvert Endless Pain avant ça. Oui, l'album où chacun des musiciens arrivait à la fin à une étape différente. Là. Ben, au moins, c'était un jeu de course, là. Oui, c'était correct. C'est là. Ça. Ça redéfinissait quand même certains standards. Et tu sais que quand ils ont fait paraître Pleasure to Kill, les gens de Creator, je sais pas si c'est Mario Petrosa ou un des, peu importe, le Vantor, avaient dit, on voudrait remercier spécialement Destruction pour nous avoir fait comprendre que nous étions pas tête. Ben là, je vous présente les 5 pièces suivantes, ça. Cure of the Dam, qui est l'introduction, qui a été refait avec le remaster de cet album, Pleasure to Kill, ça suivi de Ripping Corpse, Death is Your Savior, Pleasure to Kill, la pièce titre, et Riot of Violence. Je vous invite à rester sur les ondes de C'est Fou, parce que Matière Noire avec notre ami Alexandre prendra les ondes dans 15 minutes pour une autre émission à caractère métal, bien entendu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je serai à Rock Classique dès 11h. Ne manquez pas cette émission. 6h pour les vrais amateurs de vrai rock. Et Sinistros, là-dessus, eh bien, disons-le gaiement, que allez tous vous faire foutre. See you, Creator. Free. Shut the trap!